Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le récit d'une catastrophe naturelle des plus meurtrières, celle du sanatorium du Roc de Fize, survenue sur le plateau d'Assy, en Haute-Savoie, en 1970. À l'époque, cet établissement accueille plus de 180 gamins issus de familles modestes, venus de toute la France, pour respirer le bon air pur de la montagne, réputé pour ses vertus antituberculeuses. Il sera le tombeau de 56 d'entre eux et celui de 15 adultes. Dans la nuit du 15 au 16 avril 1970, un gigantesque glissement de terrain se produit. Un déluge de neige, de terre rocailleuse, d'arbres déracinés, engloutit deux dortoirs et détruit le pavillon des infirmières. Très vite, des voix s'élèvent pour remettre en cause la version officielle, celle d'une catastrophe imprévisible et donc inévitable. 10 jours auparavant, il se trouve qu'un premier glissement de terrain avait eu lieu, ne suscitant aucune mesure préventive par la direction du sanatorium. Les années passent, et après de procédures judiciaires que beaucoup considèrent comme bâclées, la mémoire s'évapore, et au sentiment d'injustice ressenti par beaucoup de familles s'ajoute la douleur de cet oubli. Notre invitée aujourd'hui, Perrine Lamikic, autrice du livre « Dans leur nuit », où elle exhume des archives qui éclairent la catastrophe comme jamais, et où elle redonne une voix à ses victimes. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Héloïse Rambert, coordination Christophe Barrère, réalisation Flora Bernard. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. En ce 29 mai 2019, une petite dizaine de personnes sont réunies sur les hauteurs du plateau d'Assy, à Passy, en Haute-Savoie. Il y a là des rescapés et des familles de victimes de la catastrophe du Roc de Fize, venus se recueillir sur le lieu du drame survenu 49 ans auparavant, en 1970. Ce jour-là, tous assistent à l'édification d'un mémorial. Les noms des 71 victimes, dont 56 enfants, y sont gravés. Et c'est un événement, car jusque-là, il y avait au même endroit une stèle pas bien imposante. Les rescapés l'appelaient d'ailleurs le petit caillou. C'est dire si elle n'était pas à la hauteur de sa fonction de mémoire. Les promeneurs qui la remarquaient pouvaient y lire « Aux victimes du 17 avril 1970, Roc de Fize 1932-1970 ». Voilà, rien de plus, laconique. De plus, et ultime outrage, la date était erronée. L'accident s'est produit le 16, et non le 17 avril 1970. Luc Détailleur, lui, est revenu du plateau d'Assy. Âgé de 16 ans, à l'époque, il a pu quitter le sanatorium juste avant l'accident. Pourtant, la tragédie l'a marqué à vie. Et c'est en tant que président du collectif Roc de Fize, qui regroupe rescapés et rescapés familles victimes, qu'il s'exprime ce jour-là, très ému, au micro de François Grenoble. Moi, j'ai perdu la moitié des noms, enfin des copains qui étaient inscrits là sur ce monument. Donc, ça marque une vie entière. Et notamment quand on se rend compte que l'oubli vient gangréner un peu cette mémoire. Enfin, ce qui était le plus insupportable, c'était l'oubli de cette catastrophe. Et aujourd'hui, le fait qu'on ait pu réaliser ce monument avec les noms gravés, les 71 gravés dessus, pour nous, c'est vraiment un moment important, très important, et qui apportera, on espère, un peu de soulagement, enfin, et puis de réparation un peu aux souffrances et aux traumatismes que vivent encore beaucoup les familles et les proches de cette catastrophe. Pour nous, ça fait quand même 50 ans qu'on attend ce moment-là, qui est vraiment la reconnaissance de cette catastrophe, et puis qu'un véritable lieu de recueillement soit installé, quoi. Donc nous avons réussi la semaine dernière à faire installer ce mémorial, et nous en sommes très fiers. Luc Détailleur a passé presque 2 ans au Roc de Fize entre 1968 et 1970. Cet établissement fait partie des 17 sanatoriums bâtis sur le plateau d'Assy au cours des années 20 et 30. C'est l'un de ces immenses paquebots accrochés au flanc des montagnes, entre 700 et 1300 mètres d'altitude, calés au pied de la chaîne des Fize qui surplombe la vallée de l'Arve. Arrivé le plus souvent par le train de nuit qui stoppe à la gare de Saint-Gervais, des milliers de personnes, pendant des décennies, viennent y soigner leur tuberculose ou une autre maladie pulmonaire. Ils en repartent, souvent. Ils y meurent, parfois, comme Marie Curie, en 1934. Longtemps, les stations de cure du plateau d'Assy ont joui d'une réputation d'excellence, en France comme en Europe. En 1945, la commune de Passy a les honneurs d'un court sujet de l'ORTF intitulé « Le village de la guérison ». cœur des Alpes fascine et qu'un village de montagne. Mais c'est un village bien spécial, un village tout neuf, avec des maisons claires aux larges baies. Et c'est un village qui aime le silence. L'autocar, lorsqu'il y arrive, ralentit et ne corne pas. Les voyageurs, quand ils y descendent, trouvent la petite ville endormie en plein jour. Mais ces voyageurs savent pourquoi. Ils viennent eux-mêmes chercher ici cette montagne, cet air pur, ce silence. Car ces calmes hôtels, ces paisibles villas sont des sanas. Et ces boutiques endormies sont elles-mêmes tenues par des tuberculeux qui continuent une cure de plusieurs années. Passy n'est peuplé que de malades. À heure fixe, Passy tout entier s'étend sur ses terrasses et laisse le grand air opérer son œuvre régénératrice sur ses poumons blessés. En 1970, cependant, c'en est fini de l'âge d'or des sanatoriums. Les progrès chirurgicaux et le recours aux antibiotiques à partir des années 50 vident les établissements de leurs pensionnaires. Mais ceux pour enfants demeurent en activité. Le Roc des Filles tourne à plein. Adossé à une falaise, il comprend un bâtiment principal et des pavillons, dont les dortoirs des petits malades. 185 enfants, les garçons et les filles de 5 à 16 ans y séjournent. Leurs familles, issues de la France entière, souvent modestes, les ont confiées au docteur Philippe Couve, pédiatre, spécialiste de la tuberculose et directeur du sanatorium à 4 mois de la retraite. Les journées sont longues, très longues pour les jeunes patients. Leur temps s'étire au rythme des 3 cures de silence journalières qui leur sont imposées. On cherche un peu le rapport avec les poumons, mais enfin, c'est comme ça. Alors c'est séance chaise longue, comme dans les maisons de retraite, très fun comme programme pour les gamins. Puis ce sont les cours, les repas au réfectoire, enfants coupés du monde. Pas de permission possible en effet, pas de téléphone. Seul le courrier leur permet de maintenir un lien avec leur famille. Ce n'est pas le pavillon des cancéreux de Solzhenitsyn, c'est le pavillon des tuberculos. Tuberculeux, ni hôpital, ni prison. Et forcément, dans leur tête d'enfant et d'adolescent, une question tourne en boucle. Quand seront-ils libérés? Quand pourront-ils rentrer à la maison? Pour Luc Détailleur, le petit pensionnaire, la délivrance arrive fin mars 70. Il quitte le sanatorium contre l'avis de la direction. Mais ses parents insistent pour le récupérer, pour raisons familiales. Il laisse alors son meilleur ami, Pierre Nedelec, qui lui reste au Roc des Filles. Et c'est une quinzaine de jours après son départ que le drame se produit. Il est minuit 10, ce 16 avril 1970. Les enfants sont couchés, évidemment, à cette heure-là. Les adultes aussi. Tout à coup, la terre glisse. Une gigantesque coulée de neige, de boue, de roc, se détache de la montagne. Elle emporte tout sur son passage, laissant un agglomérat infernal de 500 mètres de long s'abattre sur le sanatorium. En une poignée de secondes, les pavillons des petits garçons et celui des grands garçons sont engloutis. Sous la violence du choc, le deuxième étage du chalet où logent les infirmières se détache du reste de la bâtisse. L'une d'elles, rescapée, témoigne de cette nuit d'horreur le lendemain au journal télévisé depuis son lit d'hôpital. Vous avez été réveillée par un bruit ou qu'est-ce qui s'est passé? Un bruit, oui, les petits qui pleuraient sur la pelouse. Bon, habituellement, à cette heure-là, on ne les entend pas aussi nettement. Je me suis demandé ce qui s'est passé, j'ai voulu remuer, je ne pouvais plus bouger que la tête. J'étais couverte de gravats des pieds à la tête. Je me suis mise à hurler, au secours, au secours, au secours. Il faisait très noir, j'avais juste un petit rond qui me permettait de voir le jour et de respirer dans cette espèce de tunnel qui me coinçait. Elle est très vite dégagée par les premiers secouristes arrivés sur le lieu en un quart d'heure. Très peu auront cette chance. Les moyens humains déployés pour porter secours aux victimes sont pourtant considérables. En un temps record, plus de 100 bénévoles accourent, équipés de pelles, de pioches et de lampes électriques. Moins d'une heure après la catastrophe, les pompiers de presque tout le département sont là. Et toute la nuit, toute la journée suivante, 350 sauveteurs sont à pied d'œuvre. Il est vrai que la tâche est ardue. Rien à voir avec une intervention après une avalanche, non. Là, les sauveteurs se cassent les dents sur l'incroyable dureté du terrain. L'un d'eux, parmi les premiers arrivés sur place, témoigne, éprouvé au journal télévisé du jour. De sa vie professionnelle en montagne, il n'avait jamais vu cela. Comme tous les collègues qui sont venus, on a pris la pelle, la pioche, parce que bien que ça soit Pas de la neige, ça c'est de la neige, on peut la remuer, mais ça c'est vraiment impossible à remuer. Vraiment, c'est des bulldozers qui peuvent faire quelque chose, c'est tout, parce que... Alors vous avez dégagé tout de même quelques corps en arrivant, enfin, il y avait 5 personnes. Il y a des personnes qui ont été dégagées, oui, c'est moi, je n'ai pas participé à ces dégagements, mais il y a des personnes qui ont été dégagées autour de moi, des petits corps qui partaient sur des civières, et c'est tout. Je ne peux rien vous dire de plus. Est-ce que vous aviez déjà vu quelque chose de semblable? Non. Je vous dis, j'ai fait des secours en montagne, j'étais à Grenoble avant, mais des trucs comme ça, jamais. Les anciens vous diront pareil. Le 16 avril au soir, seuls 7 blessés ont pu être sortis des décombres. 21 corps sont remontés à la surface. 17 enfants, 4 adultes. Et 55 personnes restent ensevelies sous un amas chaotique de béton, de pierres, de troncs d'arbres noyés de bout de 15 mètres d'épaisseur. À la nuit tombée, il n'y a pratiquement plus d'espoir. Ni les équipes de détection, ni les chiens policiers amenés sur les lieux n'ont pu déceler la moindre trace de vie. Pourtant, on fait taire le grondement des bulldozers, le piétinement des sauveurs, le martèlement des pioches. Des équipes venues de Paris, munies d'appareils destinés à capter les appels et les craquements, tendent l'oreille. Rien. Juste un silence de mort. Le travail de recherche est dangereux également et éprouvant. Le terrain est toujours extrêmement instable. Dans la nuit du 16 au 17 avril, deux nouveaux glissements créent la panique parmi les secouristes et les gendarmes, dont certains sont blessés, plus ou moins grièvement. Et durant 4 jours encore, des sauveteurs chercheront à dégager les corps. À défaut de vie, ils exhument des débris de vie qu'ils placent dans des corbeilles en osier, des cahiers, des collections de timbres, quelques vêtements. Le 20 avril, la terre rend son dernier corps. Bilan officiel et définitif, 71 victimes, dont 56 enfants. Au lendemain du drame, Roger Frison-Roche, le célèbre guide de haute montagne et écrivain, explique. Ce qui se produit aujourd'hui n'a rien à voir avec les avalanches, absolument rien. Cette catastrophe pourrait se produire au mois d'août, elle aurait pu se produire au mois d'août, après 15 jours de pluie torrentielle. L'eau a été amenée par la fonte des neiges sur cette paroi où, en temps normal et à cette époque, dans ce versant ensoleillé, il n'y a pas d'accumulation de neige. Elle fond pendant tout l'hiver. Parfaitement imprévisible. C'est parfaitement imprévisible. La polémique autour de la prévisibilité enfle pourtant. Parce que 6 jours auparavant, un premier glissement de terrain s'est produit au-dessus du pavillon des petits garçons. Les appréciations de l'événement divergent. Le docteur Couve, le médecin directeur, estimait qu'il s'agissait là d'une banale coulée de neige, comme on en voit souvent dans le pays. Enfin, rien de bien inquiétant. Ce soir du 5 avril, il décide tout de même de faire venir sur place 4 experts, comme il les appelle, de fins connaisseurs de la montagne. Toujours à en croire le médecin-chef, tous concluent qu'aucun danger ne pèse sur l'établissement. Mieux, ils accordent si peu d'importance à la coulée qu'ils ne jugent pas utile de rédiger un rapport pour la préfecture de Haute-Savoie. En réalité, ça ne se serait pas tout à fait passé comme ça. Les procès-verbaux de gendarmerie donnent une autre version. Sur les instructions du maire de Passy, contacté par le sanatorium après l'incident, un employé municipal, M. Parcevaux, monte au roc de Fils avec 4 ouvriers et une pelle mécanique. Mais là-haut, il y a vraiment trop à déblayer. Le maire demande alors du renfort à un entrepreneur privé, M. Borja. Pour les arbres déracinés, le garde forestier, M. Renucci, est averti. À son tour, il avise un jeune ingénieur de l'Office national des forêts, M. Ramon, ainsi qu'un entrepreneur, un chef de la voirie et 2 spécialistes de la végétation en montagne. Les voilà, les experts du docteur Couve. 3 d'entre eux l'admettront tout de suite après la catastrophe. À aucun moment, ils n'ont donné leur avis aux responsables du sanatorium sur un danger à venir. Tout simplement parce qu'ils n'y connaissaient rien. « Je ne suis pas géologue », dira Parcevaux. Ramon, lui, n'est pas chargé d'étudier les glissements de terrain. Quant à Renucci, il déclarera « Le directeur m'a qualifié d'expert après la catastrophe. C'est trop d'honneur, je suis garde forestier. » Borja en convient, lui aussi. Il est montagnard, pas géologue. Pourtant, il rassure le docteur Couve. L'entrepreneur est un homme respecté dans la région. Le directeur du roc de Fils ne cherche donc pas plus loin. Et le soir même, les petits garçons qui avaient simplement été déplacés quelques heures regagnent leur dortoir. Le docteur Kouv expliquera sa décision le 22 avril devant les caméras de RTF. J'ai fait réintégrer les enfants dans leur dortoir pour y passer la nuit parce qu'ils avaient l'habitude et que c'est là qu'ils étaient le plus tranquilles. Je n'ai pas jugé nécessaire d'affoler les familles en les prévenant qu'il y avait eu de la terre qui était tombée derrière, qu'il y avait eu un éboulis qui, comme je vous le disais, se produit souvent. J'en ai vu un j'en vois chaque année. J'ai fait tout ce que je pensais devoir faire en raison de mes responsabilités et des sécurités que je devais prendre pour les enfants. D'autres ont peur et le disent. Le 7 avril, une religieuse du sanatorium qui périra dans l'accident, des infirmières et plusieurs enseignants vont trouver le docteur Kouv pour lui demander d'évacuer les enfants. Parce que pour eux, cette première coulée n'a rien de négligeable. Elle doit être prise au sérieux. Et on rappelle qu'il a tout de même fallu déblayer à coups de bulldozer 150 tonnes de neige, de terre et de sapins déracinés pendant plus de 4 jours. Or, le médecin directeur les aurait rabroués, traitant notamment les professeurs de petits fonctionnaires. Il demande cependant à l'employé de la chaufferie, Ernest Gras, surnommé Nénès, de surveiller la montagne. Celui-ci dort peu. Alors, chaque nuit, il se rend sur la plus haute terrasse du sanatorium avec un projecteur pour observer. Mais Nénès est catégorique, rien ne bouge. On remarque quand même que les piliers à l'intérieur des dortoirs s'effritent. Finalement, c'est plus l'état de la bâtisse que celui de la montagne qui inquiète. Alors, on fait quelques petits travaux de consolidation. Et il n'est toujours pas question d'évacuer les enfants. Une décision qui révolte l'une des infirmières rescapées de la catastrophe. Vous aviez constaté vous-même les dégâts qu'il y avait eu au bâtiment ? Moi, j'ai constaté dans le dortoir. Je suis allée le lendemain dans le dortoir des petits garçons. Et j'ai vraiment constaté les fissures dans les murs, dans le fond du dortoir. Cela vous a scandalisé que l'on laisse... Là, franchement, et surtout, je savais qu'ils allaient remettre les enfants dans ce dortoir. À côté de ce dortoir, au fond du dortoir, il y avait la chambre d'une employée. Et cette dame, ils l'ont évacuée définitivement. Parce que la chambre, là, elle était vraiment infestée. Hein. Mais les enfants, non, les armées. C'était inadmissible. Moi, je crois que là-dedans, les parents n'ont pas été tenus au courant. D'abord, ils n'ont pas été informés. Ils n'ont pas du tout été informés. Non, parce que la presse locale, ni rien n'a été prévenu. Rien, absolument. On a trop essayé d'étouffer ce premier glissement de terrain, c'est ça. Ça y ressemble, oui. Le docteur Kouv a-t-il sciemment minimisé le premier alerte ? A-t-il voulu éviter l'évacuation de son établissement à une période où le rendement du roc de Fils assurait la survie des derniers sanatoriums du plateau ? En tout cas, au lendemain de la tragédie, il prononcera cette phrase glaçante auprès d'un journaliste. Prévenir la préfecture ? On m'aurait fait évacuer, vous comprenez ? De fait, personne n'a prévenu la préfecture alors que le sanatorium y était légalement tenu. Une commission d'enquête est constituée. Après le drame, 5 des 7 infirmières rescapées portent plainte contre X. Elles sont bientôt rejointes par des parents endeuillés, regroupés autour de François Nédélec, le père du jeune Pierre, l'une des 71 victimes. Pour les familles, la douleur laisse place à la colère, entièrement dirigée contre le docteur Kouv. Elles veulent le faire tomber. Elles se méfient aussi, parce qu'elles savent que le médecin est le cousin de Maurice Kouv de Murville, l'ancien premier ministre, donc intouchable. Enfin, peut-être. Et pour trouver les responsables de la catastrophe du bateau d'Assy, il faut également fouiller plus loin. Remonter aux années 20, à une époque où la tuberculose était grande cause nationale et où des sanatoriums devaient sortir de terre, vite. Some get Got no one to call their own. Got no place to call your home. Game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than you would have thought. Now the game's been fought, when the part is through, seems so very sad for you. Didn't do the things you meant to do, now there's no time to start anew. Day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done. France Inter, affaires sensibles. L'immense émotion autour de la catastrophe du plateau d'Assy mobilise les pouvoirs publics. Le jour même, le 16 avril 70, le ministre de la Santé Robert Boulin et Boris Herzog, député UDR de la Haute-Savoie et maire de Chamonix, sont sur place. La France a déjà payé un lourd tribut à la montagne en cet hiver 70, particulièrement neigeux. Deux mois auparavant, une avalanche meurtrière à Val-d'Isère avait tué 39 personnes. Un choc énorme, déjà. Pour Boris Herzog, ce drame est un nouveau coup du sort. Aucun rapport entre ces deux catastrophes. Elles sont toutes aussi graves, mais elles ont une origine tout à fait différente. À Val-d'Isère, c'était une avalanche de neige qui a été provoquée par des plaques à vent et dans des conditions que, hélas, nous connaissons bien. Ici, c'est un glissement de terrain. Qui est vraiment imprévisible. C'est une fatalité. J'ai vu construire ce sanatorium et je crois pouvoir me souvenir que toutes les précautions avaient été prises à l'époque. Sauf que sur ce point, tout le monde n'est pas aussi catégorique dans la région. Michel Tricard, par exemple, est un vieux du pays, de ceux que l'on écoute habituellement. Il a 74 ans. En 1929, il a participé à la construction du Roc des Fils. Eh bien, il raconte qu'en creusant les fondations, il a vu un enchevêtrement d'arbres de pierre, témoin, selon lui, d'une ancienne avalanche ou d'un ancien glissement de terrain. Dans une plaquette éditée peu après la construction du sanatorium, les architectes préciseront que le sol très mauvais et les sources abondantes ont obligé les constructeurs à couler de très profonds piliers. Le 6 avril, après le premier glissement de terrain, Tricard rencontre les gestionnaires du Roc de Fuise et leur dit ceci. « Je vous l'avais bien dit qu'on avait construit sur des avalanches. Faites attention, on ne sait pas ce qu'il y a là-haut. » Pour comprendre dans quelles circonstances le sanatorium du Roc des Fils et tous ceux du plateau d'Assy ont été construits, il faut se replonger dans une France lointaine. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la mortalité par tuberculose bat des records en France. Elle emporte plus de 90 000 personnes chaque année. En 1919, une loi fondamentale est votée, la loi Honora, qui impose la création de sanatoriums. Les départements ont 5 ans pour s'équiper ou passer un accord avec un établissement d'un autre département. Pour cette grande cause nationale, le gouvernement français accepte l'aide de la mission américaine Rockefeller et de son directeur adjoint, le docteur Alexandre Bruno. Ce médecin se met alors en quête d'un site qui puisse répondre aux exigences de la loi pour ériger un village sanatorial pour les tuberculeux de la classe moyenne peu aisée. Et c'est là, en 1921, qu'il jette son dévolu sur le plateau d'Assy, situé sur la commune de Passy. Une altitude au-dessous des brouillards, une orientation plein sud, des températures jamais extrêmes, un air sec, une protection totale contre les vents dominants grâce aux falaises de la chaîne des Fils, une vue imprenable sur le Mont Blanc, un argument de poids pour détourner la riche clientèle des sanatoriums suisses. Donc, pas de doute, c'est bien là qu'il faut construire. La mairie de Passy est très favorable au projet, mais celui-ci rencontre des résistances. Une lutte de 2 ans s'engage alors entre l'association des villages sanatoriums de haute altitude et les stations touristiques voisines, qui y voient une concurrence déloyale, notamment les hôteliers, qui accueillent de manière clandestine des tuberculeux et qui s'inquiètent de perdre leur clientèle. Mais des opposants évoquent aussi un danger lié à l'emplacement. Sur ce point, une figure locale est souvent citée, le professeur Raoul Blanchard de l'Université de Grenoble, directeur de l'Institut de géographie alpine et ancien président du comité de lutte contre la tuberculose en Isère. Dans une étude antérieure à la recherche de sites par le docteur Bruno, ce dernier aurait estimé nécessaire d'écarter la Savoie et la Haute-Savoie de tout projet de sanatorium. En cause, un sol trop humide et un climat trop pluvieux. Il aurait même déclaré monstrueuse l'idée d'entreprendre une telle construction dans ces deux départements. Mais la préfecture de Haute-Savoie finit par valider le projet. Le 7 décembre 1923, l'Association des villages sanatoriums de haute altitude est reconnue d'utilité publique et la première pierre du premier sana, celui dit de Prakoutan, est posée le 30 juin 1924. Et c'est en 1929 que le travail autour du roc de Fils commence. Ce travail est confié à deux jeunes architectes ambitieux, Paul Abraham et Henri-Jacques Lemême. Nantais d'origine, amis et collaborateurs, ils sortent tous les deux de l'École nationale supérieure des beaux-arts. Abraham participe à la reconstruction des régions dévastées par la Première Guerre mondiale. C'est un spécialiste du béton et l'un des acteurs majeurs de l'architecture rationaliste. Henri-Jacques Lemême, lui, a construit un chalet pour la baronne de Rothschild, première réalisation qui marquera l'architecture de montagne. Ancien collaborateur du décorateur Ruhlmann, il concevra pour le sanatorium des boiseries, plafonds, mobilier, luminaires, de grande qualité, s'il vous plaît. Ce sont des artistes, en fait. Oui, de jeunes artistes modernistes qui ne connaissent pas la montagne. D'ailleurs, très vite, le projet leur donne du fil à retordre. Ils ont du mal à appréhender le terrain, les cycles gèlent, dégèlent, d'autant que le sol est complètement enneigé 6 mois de l'année. Et puis, ils ne sont pas sur place. Non, Abraham est à Paris, le même est à Genève. Et la FSA a tendance à renier leurs frais de déplacement. Alors, ils travaillent et font des estimations sur plan, à distance. Les deux architectes sont très mal préparés à l'ampleur de la tâche. Confrontés à la réalité, ils constatent que la pente est plus raide que prévu et surtout, qu'ils n'ont pas assez de place en largeur. En février 1930, Paul Abraham écrit à Henri-Jacques Lemême pour lui exposer le problème. En retour, son confrère lui adresse ses réflexions par courrier. Mon cher Henri, en étudiant le terrain, je me suis aperçu qu'il était beaucoup trop petit. Un pavillon à lui tout seul développe 60 mètres, et ce terrain n'a en effet que 100 mètres de côté. Il y aura à peine la place de faire tenir un unique pavillon. Alors tout le projet est par terre. La seule hypothèse optimiste serait que le plan soit faux, mais cela paraît invraisemblable si l'on considère la côte des routes. Mon cher Paul, après avoir revu les limites précises du terrain, j'estime ceci, et le maire de Passy est absolument de mon avis. Qu'il faut s'étendre le plus possible vers l'angle sud-ouest du terrain et par conséquent déboiser cet endroit. Employez le terme « déboiser » avec prudence devant le comité. Et s'il le faut, descendre à la limite du plateau le chemin de charbonnière, quitte à lui faire faire un lacet de raccordement. D'autre part, envisagez l'achat de tout ou partie de la parcelle située à l'angle nord-est de notre terrain, à travers laquelle je prévois le passage de la route, arrivant en arrière du bâtiment principal. Le maire céderait volontiers cette parcelle communale à l'association. Mais il faut 6 mois de formalité. Les architectes convoitent donc une parcelle supplémentaire. Le maire de Passy, acquis depuis toujours à la cause des sanatoriums du plateau, ne respectera pas les délais officiels pour la leur céder. Il se précipite. Alors, a-t-il été soudoyé ? Impossible de l'affirmer, mais c'est une hypothèse sérieuse. Et c'est justement la parcelle obtenue dans des circonstances troubles qui s'effondra 40 ans plus tard. Le nom qui lui est donné sonnait pourtant comme un funeste pressentiment. Chemin de charbonnière. Les charbonniers, par définition, récupèrent des arbres pour les débiter et en faire du charbon de bois. Et où les descendent-ils ? Sur des coulées antérieures qu'ils utilisent pour débarder les troncs. Malgré tout, les travaux commencent en 1930. Et pendant la construction, les problèmes s'enchaînent. Déjà des coulées de boue, des glissements de terrain se déclenchent. Mon cher Paul, des éboulements qui auraient pu provoquer des accidents de personnes se sont produits à l'occasion des fouilles du bâtiment des services généraux du Roc des Fils. À mon avis, il serait utile, pour ne pas dire indispensable, d'entreprendre dès à présent les terrassements nécessaires pour dégager le bâtiment des services généraux au nord. Au nord du pavillon A, il est également urgent de donner au talus sa pente définitive pour éviter les accidents possibles. Le terrain est composé d'éboulis, assez récents pour que l'on y trouve des troncs d'arbres anciens, exigeant des précautions supplémentaires à celles prévues au descriptif. Bien cordialement à toi, Henri. Dans un autre courrier, daté du 18 septembre, Henri-Jacques Lemaime apprend à Abraham qu'un chef de chantier, apeuré par le danger manifeste, ne veut pas effectuer les travaux de terrassement. D'autres entrepreneurs refusent de se rendre sur le chantier. Pourtant, les travaux se poursuivent. Et à une vitesse folle, le sanatorium du Roc des Fils sort de terre en 17 mois, dont 3 de trêve hivernale. En comparaison, à la même époque, Zonestral, un établissement hollandais équivalent, a nécessité, lui, 7 ans de travaux. On a visiblement confondu vitesse et précipitation. Alors, qui, finalement, porte la lourde responsabilité de la mort des 71 victimes du Roc des Fils? Les architectes? Des élus permissifs? Un médecin directeur négligent? Personne, si l'on s'en réfère au résultat de la première procédure lancée au lendemain du drame. En octobre 1971, la juge d'instruction en charge du dossier, Michel Mermet, conclut en effet à une catastrophe provoquée par des phénomènes naturels, n'entraînant donc pas de reconnaissance de responsabilité humaine. Et elle prononce un non-lieu. Des procédures, il y en aura d'autres. Près de 10 ans après les faits, la commune de Passy sera partiellement condamnée à verser aux familles des dommages et intérêts pour non-surveillance de site. Et comme si cela ne suffisait pas, un nouveau système a récemment émergé. Il était pourtant là depuis des décennies, couché sur le papier. Dans les pages de l'un de ses romans, Maigret chez le ministre, Georges Simenon raconte une catastrophe stupéfiante de similitude avec celle qui se produira sur le plateau d'Assy. Comme en témoigne cet extrait. Le sanatorium de Clairfont, en Haute-Savoie, entre Ugine et Megève, à une altitude de plus de 1400 mètres, était une des réalisations les plus spectaculaires de l'après-guerre. Qui avait lancé l'idée de créer, pour les enfants les plus déshérités, un établissement comparable au moderne sanatorium privé? Maigret ne s'en souvenait pas, car cela datait de plusieurs années. On en avait beaucoup parlé à l'époque. Certains y avaient vu une entreprise purement politique, et il y avait eu des débats passionnés à la Chambre. Une commission avait été nommé pour étudier le projet qui, longtemps combattu, avait fini par se réaliser. Un mois plus tôt, la catastrophe s'était produite. Une des plus pénibles de l'histoire. Les neiges s'étaient mises à fondre à une époque où cela n'était pas arrivé de mémoire d'homme. Les torrents dans la montagne avaient gonflé. Il en avait été de même d'une rivière souterraine, la Lise, si peu importante qu'elle ne figure pas sur les cartes, mais qui n'en avait pas moins miné les fondations de toute une aile de Clairfont. L'enquête ouverte le lendemain du désastre n'était pas terminée. Les experts ne s'accordaient pas, les journaux non plus, qui, selon leur couleur, défendaient des thèses différentes. 128 enfants avaient trouvé la mort au cours de l'effondrement d'un des bâtiments, et les autres avaient été évacués d'urgence. Dans le roman de Simenon, Maigret est confronté à une disparition, celle du rapport Calame, du nom de l'ingénieur des travaux publics, qui dans un rapport établissait le risque majeur qu'il y avait à construire un sanatorium pour enfants déshérités dans une vallée de Haute-Savoie. Calame le déconseillait fermement et affrontait des intérêts financiers qui le dépassaient. Pot de vin, chantage, dénonciation. Lorsqu'il a imaginé cette histoire, Simenon avait quitté la France pour les États-Unis depuis près de 10 ans. Il a écrit « Maigret chez le ministre » en août 54 dans le Connecticut. Le roman est paru un an plus tard, soit 16 ans avant la tragédie du Roc des Fils. quand la fiction rejoint le réel pour le pire. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la catastrophe du sanatorium du Roc de Fuys, dont nous allons parler avec notre invitée, Perrine Lamikic. Bonjour. Bonjour Fabrice Drouel. Vous êtes l'autrice du livre « Dans leur nuit », où vous exhumez des archives qui éclairent la catastrophe et qui redonnent une voix à ses victimes. Votre ouvrage, je l'ai dit, je le redis, d'une richesse incroyable sur ce drame du plateau d'Assis. Comment avez-vous été amené à vous immerger dans cette terrible histoire et quelle était votre intention éditoriale? Pourquoi avoir écrit ce livre? Déjà, merci. Moi, j'ai une histoire avec la tuberculose de par ma famille. Ma grande-tante était tuberculeuse et elle était soignée dans le sanatorium d'à côté, donc du Roc des Fils, le sanatorium de Guébriant. Et je suis au Savoyard d'origine. Hein, j'ai vécu à 30 km de là, mais sans jamais y mettre les pieds, en fait. Donc, voilà. Moi, c'est une histoire dans laquelle je suis tombée vraiment par hasard, parce que c'est en allant voir le sana où ma grande-tante avait été soignée pour savoir à quoi ça ressemblait à un moment où j'allais quitter cette région-là, que finalement je suis tombée sur cette petite stèle dont vous parliez, ce petit caillou. Oui. Voilà, avec cette erreur de date. Et en fait, c'est cette inscription sur cette stèle. Je pense qu'il y a une sensation d'étrangeté, en fait, face à ce caillou au milieu d'une combe et avec une... voilà, aux victimes du Roc des Fils, aux victimes du Roc des Fils. Enfin, c'était cette sensation que les gens avaient été victimes d'une date, que c'était très étrange. Il y avait quelque chose pour moi qui était assez mystérieux. Et c'est en redescendant que j'ai fait des recherches. J'ai commencé à voir qu'il y avait donc eu un immense sanatorium pour enfants à cet endroit-là, que tout avait disparu. Et ça m'a donné la sensation comme d'un triangle des Bermudes, ou je sais pas, quelque chose d'englouti, en fait, un traumatisme énorme, englouti. Et du coup, j'ai commencé à faire des recherches sur cette histoire, mais d'abord dans une logique plutôt fictionnelle. Et j'ai commencé d'abord à chercher des images, parce que j'étais assez obsédée, en fait, parce que j'avais lu de ces enfants engloutis sous cette poche d'eau qui lâche au milieu de la nuit. Et j'ai cherché des images, et c'est en cherchant des images que je suis tombée sur ces gens, en fait, qui commençaient à se retrouver sur les réseaux, donc à l'époque, 45 ans plus tard. Et vous dites justement, engloutis, c'est vrai que si on fait un sondage dans la rue, est-ce que vous connaissez la catastrophe du sanatorium du Roc de Fuys? On dit du Roc des Fuys ou du Roc de Fuys? Je vois les deux. D'accord. Si vous interrogez des gens dans la rue sur cette catastrophe, j'ai l'impression qu'ils vous diront bah non, je connais pas. Il y a un côté comme ça, c'est réel. Oui, tout à fait. Mais donc vous avez exhumé une histoire. Alors, j'étais pas toute seule dans cette bataille, hein. Mais effectivement, depuis 50 ans, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont espéré que cette histoire ressorte de l'oubli et que, contrairement aux autres catastrophes de 70, effectivement, elle a pas été, sa mémoire n'est pas activée, quoi. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une espèce de chape de plomb d'oubli. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui. Et pourtant, vous entendez, il y a des archives. Il y a de quoi faire, la preuve. On l'a fait. Il y a de quoi faire. Qu'est-ce qui explique que cette catastrophe, soit par rapport au lycée Payron, il y a eu des catastrophes avec des morts d'enfants, une boîte de nuit avec des plus vieux. Pourquoi c'est passé sous silence? Alors, vous avez une explication? Pas toutes les réponses, mais c'est j'imagine. Sûr que les archives, par exemple, les archives du procès sont bloquées jusqu'en 2042 aux archives nationales. Ouais. Donc, toutes les recherches qu'on a pu faire, enfin, moi, dans ce texte, ce que j'ai mis à jour, quoi, c'est les choses qui étaient dans les greniers, dans les caves des familles, en fait, hein. Donc, c'est, voilà. Et puis, dans les fonds d'archives qui ressortent aujourd'hui, parce que, au fil du temps, les choses commencent à ressortir, heureusement. Mais effectivement, à mon avis, cette histoire n'a pas le même statut que d'autres catastrophes de 1970, qui a été une année à catastrophe, parce que justement, il y a un problème judiciaire, il y a un déni de justice, et il y a quelque chose qui n'a pas été jugé correctement. Ouais. Et il y a des responsabilités qui sont masquées. Bien sûr. C'est vous qui avez fait le lien entre ce qui s'est passé et la catastrophe annoncée par Simenon, hein, le roman dont on parlait tout à l'heure, après des années à travailler sur le sujet. Quelle est votre intime conviction? Je veux dire, Simenon, à votre avis, était-il au courant de quelque chose? Il écrit ça 16 ans avant? Alors, c'est sûr que c'est troublant, hein? Oui, absolument. C'est un mystère et j'ai pas résolu ce mystère-là. Et je pense que le jour où on aura la réponse, peut-être que tout ça sera terminé. C'est par la rencontre avec les gens en fait, hein, que ce roman est ressorti en fait, hein, par la fille de l'employé qui gardait les enfants, les petits garçons la nuit, qui un jour m'a alertée sur cette ressemblance. Et effectivement, en retrouvant ce livre, en comparant, s'apercevant que ce livre a été écrit, cette fiction écrite 16 ans avant, c'est assez mystérieux. Pour moi, je fais des recherches encore sur cette histoire-là. Voilà, j'en ai pas fini avec ce mystère-là, sinon. Il y a beaucoup de fils, en fait. Parce qu'on s'aperçoit que, on peut chercher du côté de Simenon des années 50. Il était dans le Connecticut. Il écrit ce roman fin août 54. L'année où sa fille va naître. Et, on peut se demander, en fait, ce qui vient faire ressortir tout ça. Après, on s'aperçoit qu'il rentre en Europe et qu'il s'installe à Lausanne, à Épalinges, et qu'il fait une maison en forme de sana qui est en face de sana. Il y a des signes quand même. Hein. Après, on s'aperçoit, si on cherche encore plus en amont, que son père est mort de la tuberculose à Simenon. Et on s'aperçoit aussi que dans les années 20, au moment où il invente Maigret, parce que Maigret est né la même année que le Roc des Fils, en fait, en 29, on s'aperçoit en fait que Simenon fréquente à peu près les mêmes milieux que les architectes, puisque le frère de sa femme est architecte et fréquente un peu le Montparnasse des architectes, qui est un peu peut-être le même milieu que Paul Abraham. Et bon, il y a tout un tas d'autres liens comme ça, mais bon, Simenon était un personnage assez trouble et il était, de toute façon, il se décrivait lui-même un peu comme le dépotoir de toutes les histoires sordides en fait, qui traînaient dans les voilà, donc auxquelles il avait accès dans toutes ces virées nocturnes. Donc on peut se douter que Simenon a entendu parler de quelque chose qui probablement est resté au fond de lui très longtemps et peut-être a réémergé à l'issue, voilà, à ce moment où sa fille va naître, hein. Mais quelque chose qui l'a suffisamment marqué peut-être pour qu'il revienne ensuite s'installer en face, qu'il se fasse une maison en forme de sanatorium. Ça en fait des choses quand même. Et puis qu'il mette à la retraite Maigret 2 ans après la catastrophe. Ben nous, on va jouer les Falimier et les Maigret juste après, pour essayer de voir ce qui a pu se passer, qu'est-ce qu'on a caché, après avoir écouté Arthur H. qui nous chante la plus triste des chansons, c'est le titre. À la fin du jour, dès que tout s'efface, j'avance dans la nuit, amère et meurtrie. C'est triste que je laisse les papillons noirs posséder mon cœur et ma mélodie. Oh, oh, écoute, oh, oh, il chante la plus triste des chansons de ce triste monde. ami des hommes chantés qui connaissaient le prix de la mère vérité. Venez vous rassembler, car si le cœur est vide et la vie si vaine, qui va nous pleurer à la procession? Oh, oh, écoute, oh, oh, on chante la plus triste des chansons de ce triste monde. De ce triste monde. Péril Amikik, on va essayer de voir les éléments qui pourraient faire penser à un comportement de mensonge, hein, finalement, dans cette histoire. On ne l'a pas dit dans le récit, mais des obsèques ont été très rapidement organisées. Le glissement de terrain a eu lieu le 16, la cérémonie le 18. Alors que la recherche de corps se poursuivait, les cercueils ont été rendus déjà scellés aux familles. Tout cela est peu habituel quand même. Là, on a vraiment l'impression qu'on veut cacher quelque chose. Oui, c'est sûr qu'au niveau des corps, il y a eu vraiment beaucoup de questions qui sont posées. Les obsèques ont effectivement, il y a des obsèques publiques qui ont été organisées au plateau d'Assis, à l'église, le samedi après-midi. Et effectivement, les recherches n'étaient pas terminées. Moi, des recherches que j'ai pu faire, des gens que j'ai pu entendre, et notamment les sauveteurs, aussi les gens qui ont reconnu les corps et les familles, c'est que la violence de la catastrophe a été telle que de toute façon, c'était absolument impossible que les corps soient retrouvés tous intacts. Les petits garçons qui étaient tout en haut, notamment, hein, ils ont vraiment reçu la poche d'eau complètement de plein fouet. Pardon, certains corps, il y a eu une identification par le pyjama. Oui, en fait, ce qui est compliqué... Ça montre quand même la violence. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, certaines familles ont pu voir le corps de l'enfant, voir une partie du corps, et des adultes aussi. Mais, en fait, certaines familles n'ont pas pu accéder au corps et on leur a rendu des cercueils scellés. Pour certains, il y a même un doute sur le contenu du cercueil. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se demandent si dans ce cercueil, il n'y a pas un sac de sable, en fait. Et il y a des gens qui sont restés avec cette inquiétude-là, ce doute-là, en fait, depuis 50 ans. Ça veut dire qu'à l'intérieur des familles, ça donne parfois des questionnements, mais encore très très vivace aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que le petit garçon il est toujours vivant, que peut-être il a été adopté, que peut-être c'est le docteur Couve qui a fait des erreurs aussi, parce que peut-être que... Et qu'il y a un homme de 40 ans qui vit là aujourd'hui. Voilà. Donc en fait il y a des familles qui sont vraiment encore prises là-dedans au quotidien et qui cherchent des réponses. Et ce qui est tragique, c'est que pour avoir des vérités là-dessus, il faut qu'en plus que les familles payent. C'est-à-dire que non seulement ils ont payé le rapatriement des corps de leurs enfants, sans savoir s'il y avait vraiment les corps à l'intérieur des cercueils parfois, mais en plus il faudrait qu'ils payent la réouverture des cercueils pour savoir faire enlever les scellés. Enfin, bon, c'est extrêmement macabre et ça a en plus traumatisé pas mal de monde, parce que c'est vrai que même les gens qui ont participé à l'identification des corps dans un état traumatique pendant 3-4 nuits d'affilée ont été amenés à le faire à partir des pyjamas, parce que les enfants prenaient de la morphine, en fait, ou de la cortisone, j'ai un doute là, mais en tout cas un produit qui les faisait gonfler et qui faisait que du coup par simplification, les auxiliaires puéricultrices avaient tendance à échanger en fait les pyjamas des enfants pour pas que les familles en plus voilà. Confusion en plus et voilà. Donc parfois l'enfant a été parfois reconnu, parfois pas, parfois au pyjama, parfois au nom sur le pyjama. Enfin bref, ça génère une voilà. Mais ce lieu est un en fait ce lieu est un cimetière et c'est aussi pour ça que le collectif Rock des Fils aujourd'hui se bat, c'est pour faire reconnaître ce lieu comme un cimetière. Il y a une partie des corps qui est toujours là-bas. Bien sûr. Alors, il y a ce personnage, bien sûr, le directeur, Philippe Couve. En tant que directeur, il est forcément un personnage qu'on regarde à la loupe et dont on regarde les agissements à la loupe. Il va cristalliser la colère des familles. Je crois qu'il n'a jamais été entendu par la justice. C'est vrai? Alors, à nouveau, il y a toutes les pièces du procès qui sont un peu... Ah oui, c'est sous scellés, voilà, donc on a accès au off, nous. Enfin, mais ouais. En tout cas, ce que disent les familles, c'est que le docteur Couve, elles l'ont pas vu dans les tribunaux. Voilà. Ouais. Moi, ce qui me semble assez intéressant aussi, c'est la place qu'a pris les médias, qu'ont pris les médias à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a une interview, effectivement, du docteur Couve, dont vous avez choisi un extrait. Et on dirait que cette interview s'est substituée, en fait, à tout procès. Comme si cet entretien était, voilà, suffisant. Et quelque part, il avoue, en fait, dans cette interview, il dit, voilà, je suis responsable de tout ce qui s'est passé, mais tout en disant, bah, je ne suis responsable de rien. On ne peut pas être responsable d'un coup du sort, en gros. Voilà. Mais du coup, c'est comme si ça s'était totalement substitué à une prise de parole judiciaire, à une accusation, une défense. Enfin, et effectivement, c'est quelqu'un qui, visiblement, a dû être totalement couvert, protégé par un certain nombre de gens et par surtout ce premier non-lieu, en fait, qui a dit qu'il n'y avait pas de responsabilité pénale sur lui. Alors, on va pas tomber dans la théorie du complot, bien sûr. Enfin, on peut quand même essayer d'échafauder des hypothèses. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a une sorte de guerre économique, on va dire guerre commerciale, entre les sanatoriums, les hôtels, les stations de ski, et que tout ça est une manne, qu'un sanatorium qui ferme, enfin, c'est pour les affaires, c'est pas bon. Il y a plusieurs strates, je pense qu'effectivement, déjà, il faut remonter à la période de construction et à l'implication de la préfecture de Haute-Savoie dans cette construction, dans le passage du premier projet, en fait, dans les années 20. Et cette question touristique, finalement, économique touristique, autour de la tuberculose. Et puis, il y a effectivement aussi, en 70, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que cet établissement privé, mais assimilé public, bénéficie de financement de la DAS, des prix de journée? Qu'est-ce qui fait que les enfants, pour certains, sont retenus, alors qu'ils sont guéris, en fait. On s'aperçoit que... Quasi prisonniers, d'ailleurs. Voilà, on les garde avec des arguments scolaires. On leur dit qu'il faut qu'ils finissent leur scolarité, alors qu'en fait, les gamins, visiblement, sont guéris. Mais ça, en fait, tout est lié à cette économie des sanas, à ces prix de journée payés par la DAS, à ces gamins qu'on envoie de très très loin parfois, on ne sait pas trop pourquoi. Pourquoi on les envoie pas dans d'autres sanatoriums? Ils sont fléchés à cet endroit-là, et comme ça, les sanas continuent de durer, sachant que on est à une période où ces établissements privés publics sont un peu pesants aussi, finalement. Ouais. Et où Maurice Couve de Murville, il a plutôt tendance, à quelques années avant, à dire que voilà, si on pouvait s'alléger de ces établissements-là, à la limite, ce serait pas une catastrophe. Si l'État pouvait s'alléger de ça, c'est ça? Déjà, le désengagement, dites donc, ça remonte à loin, l'idée du désengagement de l'État. Bien, Perrine Lamikic, arrive la fin de notre échange. Merci, en tout cas, merci de à tous vous. Ces éclairages. Et puis, pour avoir relancé une affaire que tout le monde avait oublié, qu'on a un petit peu moins oublié depuis votre livre et depuis cette émission, enfin, j'espère. Au revoir. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la catastrophe du sanatorium du Rock de Fils ou des Fils. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Vincent Dozière.